Le français sur le bout de la langue. Le blog qui vous donne envie d'apprendre. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à vous pour ce second numéro des podcasts du français sur le bout de la langue, avec aujourd'hui un article de Michel Petit, issu du blog intitulé « Découverte du patrimoine », qui va vous proposer, pour vous détendre et vous ressourcer, une petite promenade dans le jardin japonais de Compans-Cafarelli, situé au cœur de la ville de Toulouse. Jardin japonais à Compans-Cafarelli, faire le plein de détente et de méditation extrême orientale en plein cœur de Toulouse. Par une belle fin d'après-midi, lors d'un de mes séjours sur Toulouse, je me dirigeais vers Compans-Cafarelli découvrir le jardin japonais dont une amie m'avait parlé la veille. Je commençais à être bien fatiguée de ma journée de promenade, alors un passage par un parc zen était tout indiqué pour la finir tranquillement. Je décide donc d'y entrer. Un petit chemin conduit en premier vers une statue de Teisen Deshimaru qui a été à l'initiative de la création de nombreux dojos en Occident dans les années 70. Ensuite, un jardin minéral m'accueille, avec chat inclus. Le félin trouvait les lieux tellement calmes qu'il s'était endormi sur un des îlots symboliques du jardin minéral. Juste à côté, un pavillon du thé, mais sans le thé. Et le chemin file vers l'eau pour passer vers des petits rochers à franchir et ensuite pour parcourir d'autres chemins et jouir de la végétation originale qui s'y trouve. Un îlot central du plan d'eau est relié à la berge par un très joli et très photogénique petit pont en bois peint en rouge. Il accroche le regard et ses reflets dans l'eau calme est un réel plaisir à visualiser. Des gens jouent de la musique sur le petit îlot, un petit coin de paradis. Je reviens sur mes pas, lève la tête pour éviter les pigeons en embuscade et m'en vais rejoindre le chaos et le désordre ordinaire. Petite remarque pour finir. Je trouve ça original le fait de mettre un jardin zen dans ce lieu précis. Non pas le fait que ce soit un centre d'affaires, un centre commercial et un lieu avec des hôtels, non. Je trouve ça bien d'avoir un îlot méditatif en ces lieux. Ce qui est étrange, c'est par rapport au nom. Je m'explique. Compans et Cafarelli étaient des généraux, des militaires donc. Et associer l'idée d'un jardin zen à des noms de généraux, je trouve ça, disons, particulier. Mais ce lieu agréable est à découvrir. Par ailleurs, autour de ce jardin, dans le reste du parc, se trouvent quelques statues que j'évoquerai dans de prochains articles. C'était un podcast réalisé pour le français sur le bout de la langue. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog où vous trouverez diverses activités en lien avec ce podcast. Et d'ores et déjà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux enregistrements.